L'autre jour, j'étais avec mon ami, parce que je vis avec un de mes camarades. Louis. Et nous roulions dans sa petite voiture à deux places décapotable. Le printemps était là, les pommiers étaient en fleurs et les petits oiseaux chantaient sur les châtaigniers. Nous étions heureux de vivre, nous roulions sur la route nationale. Quand tout à coup, qu'est-ce que je vois? Je vois une auberge intitulée Aux deux folles. Je dis, mais c'est pas possible. Mon ami Louis continue à rouler, je lui dis, écoute, c'est insensé, c'est un mirage. J'ai vu une auberge Aux deux folles. C'est pas vrai. Si, c'est pas grave. Tu m'énerves à la fin. Je sais pas ce que je lui aurais fait, vous savez. Ah, c'est vrai. Alors j'ai boudé. J'ai boudé 3 kilomètres. Je peux pas bouder plus parce que si je boude plus, c'est moi qui suis puni. Il me dit, est-ce que c'est vrai? Bien, je te jure que j'ai vu une auberge et creux de folle. Eh bien, écoute, on va retourner, on va aller la voir. Tu es gentil. On a fait demi-tour. J'étais tellement gentil que je suis même descendu de la voiture. Je me fais, attention, arrêtez-vous, il s'est passé mon camarade. J'ai couru derrière. J'ai monté en marche et nous sommes retournés. En effet, il y avait une auberge, comme je vous l'ai indiqué, Aux deux folles. Il faut qu'on aille absolument voir ça. C'est un sens. Une belle Aux deux folles. On descend, on place la voiture, on rentre. Il y a un monsieur qui était là en tablier bleu. Qu'est-ce que vous voulez manger, vous? Je sais pas, quelques petites choses, enfin, légère restauration, je sais pas. Trois fois rien, quelques bêtises. Entrez-là, allez bouffer. C'est très curieux comme auberge, n'est-ce pas? Me répond Louis. Ben, je dis oui, c'est Aux deux folles, je sais pas. Hey, c'est où là? Qu'est-ce que vous voulez bouffer, vous? Je sais pas, un petit saucisson, puis voilà. Qu'est-ce que tu bois? Elle a du vin rouge, oui, c'est tout. Mais du vin rouge? C'est très curieux comme auberge. Aux deux folles. Où est le patron, s'il vous plaît, monsieur? C'est moi le patron, qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas vous attirer des ennuis, rassurez-vous. Heureusement, hein, parce que moi, vous tombez mal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon ami. Ah non, c'est pas moi, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est... Toi, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais vous demander, comment se fait-il que cette auberge s'intitule Aux deux folles? À quoi cela tient-il? D'où ça vient? J'en sais rien, ouais. Je suis le patron, ouais. J'en sais rien. Ouais. Aux deux folles. Pourquoi je les appelle ici Aux deux folles? Ça fait 10 ans que je suis là, moi. Ouais. J'en sais rien, je me suis jamais demandé. Ouais. Ben, je vais demander à ma femme, hein? Hein? Je vais demander à ma femme. Hé! Henri!